artistes qui ont combattu pour donner une chance à la paix. Artistes qui ont combattu pour aider les pays défavorisés. Artistes qui ont combattu pour que les peuples d'Afrique soient unis. Artistes qui ont combattu pour l'ouverture des portes de l'esprit. Richesse inespérée, pourtant garder la même volonté. Mal rasé, les cheveux ébouriffés, luttant pour une cause désespérée. Enchaînant les succès sans jamais lever le pied. Porte-parole suivant cet idéal d'humanité. Artistes qui ont combattu contre toutes sortes de racisme. Artistes qui ont combattu contre toutes sortes de machisme. Artistes qui ont combattu pour la sauvegarde animale. Artistes qui ont combattu pour la protection environnementale. Abuser des nuits rock'n'roll, mais toujours tenir le bon rôle. Adulé par les foules, marcher sur un tapis qui se déroule. Vous êtes tous des messagers, à nous de prendre le relais. Porte-parole suivant cet idéal d'humanité. Porte-parole suivant cet idéal d'humanité. Porte-parole suivant.